C'est première fois m'tendez, par où ça parlait, c'était qu'à vous payer. Moi tapé passé, et tant pas pé marché, moi tant d'un jour, ton femme qui cuit ta voile, il met pas dommage. C'est première fois m'tendez, par où ça parlait, c'était qu'à vous payer. Moi tapé passé, et tant pas pé marché. Moi tant d'un jour, yon femme qui crie ta voix, il met pas gagne une femme pour ça. Je peux vite des envies la caillou. Faut capable de précaution. Pour pas prendre déception. Yon femme comme ça, mon cher. Si corrigé ka et connaît. Sauf pas prendre d'aller. Il pas bon pour vous. Yon homme qui gagne une femme pour ça. Je peux vite des envies la caillou. Faut capable de précaution. Pour pas prendre déception. Yon femme comme ça, mon cher. Si corrigé ka et connaît. Sauf pas mené n'aller, li pas bon pour vous, li met la cochon, li met des siwons, li met des bis, à grand la bagaille, li met la cochon, li met des siwons, li met des bis, à grand la bagaille, à la parole, à voix la patomate, mit patomate à Pato matada, mama bibi pato matada, pato matada, mama bibi pato matada, pato matada. Mais pas tout, mais pas tout.